peut-être entendu dire que le 31 décembre 2016 a connu cet événement particulier qui a duré une seconde de plus que n'importe quel autre jour. Et pour cause, cette seconde intercalaire est nécessaire pour réaligner les horloges, ou plus précisément, pour caler le temps atomique sur le temps universel. Parce qu'il n'y a pas qu'un temps, il y a des temps. Mais y a-t-il eu des temps de tout temps? Le temps passait-il avant le début des temps? Bref, à l'issue de cette émission, il vous sera devenu quasi impossible de répondre à la question « Quelle heure est-il ?» Pourquoi le temps passe-t-il? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient, enfin dans l'heure. Bref, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour remettre les pendules à l'heure, promis, ce sera mon dernier jeu de mots, nous allons refaire sous vos oreilles ébahies la controverse Einstein-Bergson en direct avec, dans le rôle d'Einstein, Étienne Klein. Bonjour. Bonjour. Et oui, faut-il encore vous présenter, Étienne, à nos auditeurs, physicien, docteur en philosophie des sciences, président de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, et bien entendu producteur de la conversation scientifique tous les samedis à 14h sur France Culture, et dans le rôle de Bergson à ma droite, Élie During, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Ouest Nanterre, vous avez travaillé sur la réception bergsonienne de la théorie de la relativité et préfacé la nouvelle édition du paradoxe des jumeaux de Paul Langevin, on en parlera tout à l'heure, c'est aux éditions, aux presses, pardon, universitaires de Paris-Nanterre. Comme chaque jour, vous pouvez bien sûr nous suivre en direct sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Alors, non seulement, comme je le disais, il n'y a pas un temps, mais des temps. Le temps des physiciens n'est pas le temps des philosophes, comme on le verra tout à l'heure. Mais le temps de Newton n'est pas non plus le temps d'Einstein. Et pour compliquer le tout, le mot lui-même temps est devenu tellement polysémique qu'il désigne en fait, Étienne Klein, beaucoup de réalités très très différentes. Oui, on l'utilise pour dire le changement, la succession, la simultanéité, le devenir, la vitesse, l'accélération. Même la météo. Et même la météo, ça fait donc trop pour un seul mot. Il va falloir procéder à ce que, non pas Bergson, mais Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. Qu'appelle-t-on le temps au juste? Alors de quel temps parle-t-on et de quel temps allons-nous parler, Élie During, au cours de cette heure? On va voir. Moi, j'introduirai par exemple, pour commencer, puisqu'il faut nettoyer la situation verbale, un autre mot qui est celui de devenir, ou plus simplement le changement. Quoi. Est-ce que penser le temps, c'est nécessairement directement penser ça, le changement, le devenir, ou est-ce qu'il y a justement, avec ce mot temps, quelque chose d'autre qui affleure dans cette vieille, très vieille question du devenir? Alors pour commencer, on va partir vraiment de la racine ou du plus concret de ce qui se trouve sous nos yeux, sur cette grosse pendule rouge, c'est-à-dire le temps calendaire, l'heure qui passe, un temps qui s'est mesuré depuis le début de l'histoire de l'humanité de façon relative, en référence au passage des astres et donc au mouvement de la Terre, mais qui depuis 1955 est le premier étalon atomique au césium 133 est devenu en quelque sorte une mesure du temps absolu. Étienne Klein, on ne mesure plus le temps aujourd'hui en fonction du mouvement de la Terre, mais en fonction du mouvement des atomes. En fait, on essaie aussi de faire parler l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'on rajoute des secondes de temps en temps pour que le temps astronomique se retrouve dans le temps atomique. C'est en 67, à la 13e conférence des poids et mesures, que la seconde n'est plus définie officiellement par rapport au mouvement de la Terre et par rapport à la matière. Il y a aujourd'hui trois échelles de temps différentes, c'est ça? Il y a le temps universel, il y a le temps atomique international et il y a le temps universel coordonné. C'est quoi la différence entre les trois? Peu de choses, ça dépend de la référence qu'on prend et de l'usage qu'on veut faire de la métrologie temporelle. Le temps, alors dites-nous quand même en quelques mots, le temps universel, ça correspond à quoi? C'est le temps qui est fondé sur la rotation de la Terre, donc c'est un temps disons astronomique. Le temps atomique international, c'est un temps qui est fondé sur des horloges atomiques qui utilisent des transitions entre des niveaux d'énergie d'un atome particulier pour définir la seconde. Et le temps universel coordonné, c'est un temps tout neuf, il a été créé en 1972, c'est pour essayer de préserver une correspondance entre les deux temps dont je viens de parler. Ce qui est intéressant dans ce changement de calcul entre le temps universel et le temps atomique, c'est qu'il y a quand même un basculement paradigmatique important. La seconde avant, c'était la division d'un intervalle de durée connue. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la multiplication d'intervalles plus petits. Oui, le problème, c'est que le mouvement de la Terre, il se ralentit. Et donc, si on se fonde sur l'année astronomique, on a un étalon de durée qui n'est pas stable. Et donc, il faut en prendre un qui soit stable, c'est l'atome. Enfin, les transitions entre des états d'énergie de l'atome. Et du coup, il y a une bagarre entre les astronomes et les autres pour essayer de primer, enfin, de dire qu'un des deux temps est plus important et une meilleure référence que l'autre. Est-ce que ça a un sens, ce changement, pour vous, paradigmatique, le fait que le temps soit une addition et non plus une soustraction, Olivier Ring ? Ouais, c'est très intéressant. Que la seconde, hein, en l'occurrence, oui. si on prend l'acception seconde du mot temps. Mais déjà, ma réaction plus générale, c'est que c'est très intéressant, ce genre de considération, parce qu'on voit bien qu'on touche là à des échelles de temps qui sont totalement déconnectées du temps perçu, je veux dire, du temps de l'expérience humaine. Et ça, je crois que c'est propre au concept de temps. Si le concept de temps est important, intéressant, et si c'est important de le distinguer du concept du devenir ou du changement tel qu'on l'appréhende dans l'expérience quotidienne, c'est parce qu'il nous permet de communiquer avec ces échelles de réalité absolument inouïes qui sont accessibles que, disons, à la formalisation mathématico-physique et aux instrumentations extrêmement sophistiquées qui nous permettent de mesurer, en effet, des échelles aussi fines. Mais là, on est complètement déconnecté de la durée vécue. Et c'est là que le concept devient intéressant. C'est-à-dire que ce temps microscopique, pour utiliser un mot de façon impropre, c'est-à-dire ce temps atomique, il intéresse le philosophe ? Il l'intéresse parce qu'il y a symétriquement une opération du même genre qui est menée depuis que la psychologie expérimentale existe et qu'on s'intéresse aux représentations et aux perceptions du temps, mais plus récemment, depuis que la neuropsychologie de l'expérience temporelle a mis en évidence une stratification du même ordre, au fond. Je veux dire, qui pose des questions du même ordre. Il y a trois échelles de temps, globalement, dans le temps vécu. Disons, il y aurait le temps de, et c'est pareil, c'est trois échelles, au fond, trois échelles de durée. Il y a un temps de l'ordre de la microseconde, quoi, qu'on pourrait appeler le temps senti ou à peine senti, il est presque subliminal, mais où on arrive très bien à isoler un seuil de discrimination entre ce qui est perçu comme simultané et ce qui est perçu comme successif. Va être important plus tard d'ailleurs, de cette histoire de simultanéité dans l'histoire du temps physique. On en parlera. Ensuite, il y a deux échelles de temps là qui sont plus habituelles. L'échelle de ce qu'on pourrait appeler le temps perçu, à proprement dit, c'est à l'échelle de 1 à 5 secondes, quoi. C'est-à-dire l'intervalle ou l'échelle dans laquelle se constitue l'expérience du présent, du moment présent. Et puis, il y a une échelle de temps un peu plus vague, un peu plus épaisse, où on dit parfois en anglais spacious present, le présent épais, spécieux, qui peut s'étirer jusqu'à plusieurs minutes si on est dans un état relativement détendu, qu'on écoute de la musique par exemple, où l'idée de l'unité d'un moment s'étale là sur une échelle bien supérieure. Et ces trois strates de présent sont en fait constitutives d'une expérience du temps. De sorte que si on dit le temps, c'est la succession des moments, en fait, on ne sait pas très bien ce qu'on a dit, à quelle échelle on parle, même au niveau du temps vécu. De l'expérience subjective du temps, ce qui vous place dans un certain courant de pensée, de conception du temps philosophique, comme on le verra dans quelques instants. Je suis pleinement d'accord, sauf que moi, j'utiliserais plutôt le mot durée à la place du mot temps. C'est-à-dire, ce qu'on perçoit, ce sont des échelles de durée, les trois que Elie Düring vient de citer, mais il n'y a pas de mesure du temps proprement dite. C'est-à-dire, ce qu'on mesure, ce sont des durées. Et le temps, c'est ce qui fait qu'il y a des durées. C'est-à-dire que le fait que tout ne se passe pas en même temps. Et en général, on va dire que la durée, c'est l'équivalent pour le temps de ce qu'est une longueur pour l'espace. Il y a pourtant une différence essentielle, c'est que quand on considère une longueur, tous les points qui constituent cette longueur coexistent. Tous les points qui font une longueur d'un mètre sont là devant moi, et je peux dire, j'ai devant moi une longueur d'un mètre. Alors qu'une durée d'une seconde ou de trois minutes est une entité très bizarre qui fait coexister, dans sa représentation, des instants qui ne peuvent pas exister ensemble. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une durée ? C'est une question qui renvoie à un véritable mystère. Par exemple, quand je dis la durée qui m'intéresse, c'est depuis maintenant jusqu'à la fin de l'émission, cet instant qui correspond à la fin de l'émission, où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est déjà quelque part à attendre qu'on arrive ? Ou est-ce que c'est la succession des instants qui va finir par le faire advenir ? Eh bien, cette question de l'accumulation des durées et du calcul de leur temporalité ou de leur inscription dans le temps, c'est une question qui passionne beaucoup de physiciens, qui déclenche surtout beaucoup de recherches. Notamment, on parlait de ces trois temps, du temps UTC, du temps TAI, du temps atomique et du temps universel coordonné. C'est ce que vous êtes allé voir, Céline Lezen, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Observatoire de Paris, vous avez pu voir de vos propres yeux à quoi ressemble une fontaine à atomes. Oui, une fontaine atomique. Alors, je vais vous parler de métrologie du temps. UTC, c'est temps universel coordonné. C'est une échelle de temps référence qui indique le temps légal international. En France, On adapte cette échelle UTC-OP qui est la base du temps civil. Le problème est qu'il faut constamment faire des corrections de fréquence. Les horloges cumulent chaque jour une dizaine de nanosecondes de déphasage par rapport à UTC et c'est déjà trop. Il faut réduire cet écart à l'ordre de la nanoseconde et pour y arriver, on utilise justement une fontaine atomique. Vous allez comprendre de quoi il s'agit grâce au témoignage de Michel Abgral. Il est ingénieur CNRS au Laboratoire National de Métrologie. Ici, on génère l'échelle de temps UTC-OP. L'UTC, c'est le temps universel coordonné, l'échelle de temps internationale. Et on la diffuse partout en France et on s'intercompare en permanence au niveau international. UTC est calculé tous les mois en exploitant les données du mois passé. Alors que les laboratoires comme le nôtre doivent générer une échelle de temps, temps réel, produire un signal physique pour toutes les applications au quotidien. C'est-à-dire qu'on génère un signal physique sous la forme d'un signal sinusoïdal à une certaine fréquence ou alors de top, seconde, qui doivent être le plus proche possible de ce que va être l'UTC quand on le saura un mois plus tard. On a plusieurs horloges au laboratoire, on a ce qu'on appelle des horloges commerciales et en fait on en a deux types, on a ce qu'on appelle des masers à hydrogène. C'est une horloge qui occupe un volume d'un mètre cube à peu près et on en a un autre type qui est un petit peu plus loin là-bas. Qui est une horloge à césium commercial. Le césium, c'est ce qui sert de référence pour mesurer la seconde. Exactement, la seconde du système international est définie sur une transition de l'atome de césium 133 en fréquence 9 giga 192 631 770. C'est important de régulièrement corriger les déphasages qu'il peut y avoir entre les horloges. Oui, alors en pratique, les horloges commerciales sont fausses. Dans le labo, elles sont fausses. En ce sens qu'elles donnent des top secondes qui peuvent varier d'une seconde à l'autre de plusieurs 10-13. Et 10-13, ça correspond à une cumulation de phases de 10 nanosecondes au bout d'une journée. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est des échelles de temps qui restent à quelques nanosecondes de l'UTC. Donc ce que l'on fait, en fait, c'est qu'on pilote le signal de sortie de ces horloges commerciales par des étalons primaires de fréquence. Alors ce ne sont pas les horloges à césium commerciales qu'on a ici, mais ce sont des horloges de labo qu'on a développées et que je vous montrerai après et qui, elles, sont exactes à 10-16. C'est-à-dire qu'elles cumulent une erreur de phase qui serait de l'ordre de la minute depuis le Big Bang. Si on le ramène à une journée, 10-14, c'est une nanoseconde par jour, donc ça correspond à 10 picosecondes par jour. Pico, c'est 10-12. C'est 10-12, c'est ça. Alors là, maintenant, on va aller visiter un étalon primeur. On va aller voir la fontaine atomique FO1. Alors, une fontaine atomique remplit un laboratoire de 15 mètres carrés, quelque chose comme ça. Elle est composée de trois parties, on va dire. Une enceinte à vide où sont manipulés les atomes, qui sont protégés par des blindages magnétiques afin de réduire les fluctuations du magnétisme ambiant. Les atomes sont manipulés grâce à des faisceaux laser qui sont produits par un bout optique qui comprend une demi-douzaine de lasers et un certain nombre de composants pour piloter la fréquence et la puissance des lasers pour manipuler les atomes au cours du cycle. Et l'ensemble est piloté par trois racks d'électronique pilotés par un ordinateur qui génère le temps de cycle de l'horloge. Et donc son principe, en fait, consiste à refroidir des atomes par laser à des températures de l'ordre du microkelvin. Cette technique de refroidissement d'atomes nous a permis d'améliorer le temps d'observation des atomes d'un facteur 100 par rapport à l'ancienne génération d'horloges qui utilisait des atomes chauds, des jets thermiques. La prochaine étape, c'est d'aller vers des horloges optiques. Donc ce type d'horloge est en cours de développement depuis plus de 20 ans maintenant. Elle fonctionne de façon quasi continue pendant des jours et des jours. Mais on développe aussi les horloges du futur. Et les horloges du futur n'utilisent pas des transitions micro-ondes, mais des transitions dans le domaine optique, dans la gamme des centaines de térahertz. La stabilité d'une fontaine atomique est de l'ordre de quelques 10-14 à une seconde, ce qui nous permet d'avoir des exactitudes dans la gamme des 10-16. Les horloges optiques ont des stabilités de l'ordre de 10-15 à la seconde. Et on atteint d'ores et déjà des exactitudes de 10-17, 10-18. Mais ce sont des horloges qui sont plus compliquées, qui utilisent des systèmes lasers, certes, mais des lasers beaucoup plus exotiques, beaucoup plus difficiles à faire fonctionner en cohérence sur de longues périodes. Donc au labo, on développe des horloges à strontium et des horloges à mercure. Les horloges à strontium commencent à pouvoir fonctionner une semaine, 15 jours d'affilée sans interruption. Et on peut imaginer que dans la dizaine d'années qui vient, elles vont pouvoir fonctionner de façon aussi continue qu'une fontaine atomique. Et donc là, on va vers une question sur la redéfinition de la seconde dans le futur, au niveau international, pour exploiter au mieux ces horloges optiques. Voilà le reportage de Céline Lozen à l'Observatoire de Paris. Je vous voyais prendre des notes, Elie Düring, sur ce calcul de la seconde par l'horloge atomique au 16e 133. Oui, parce que les degrés de précision sont toujours à la fois fascinants et très, très intéressants. Parce que ça, bon, l'idée qu'on puisse gagner en précision sur des échelles qui représentent une minute à l'échelle de l'échelle de l'univers, disons, de l'âge de l'univers. C'est intéressant. C'est aussi à ce niveau de précision que on peut essayer de guetter ou de flairer des révolutions conceptuelles. Hein. C'était la grande thèse de Bachelard sur les révolutions dans l'histoire des sciences. Elles se jouent à la troisième ou quatrième décimale. Quoi. Donc là, on est bien au-delà. Étienne Klein. Oui, je trouve qu'il y a toute une poésie de la métrologie. Hein. Et en même temps, ce que montre bien ce reportage, c'est que on ne mesure les durées, ou les secondes en l'occurrence, que par le biais d'une spatialisation. C'est-à-dire qu'on utilise un mouvement dans l'espace, une onde électromagnétique à une certaine fréquence, pour mesurer les durées. Ce qui veut dire que les durées sont mesurées par le biais d'une spatialisation. Et ce qu'on mesure, en fait, c'est un avatar de la durée, et non pas une durée pure, si vous voulez. Donc ça nous rapproche du débat entre Einstein et Bergson sur le fait que les physiciens ont tendance à spatialiser le temps, c'est-à-dire à le traiter comme s'il était de l'espace, comme ça, alors qu'il a une nature sans doute différente. On y vient. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h17, nous parlons du temps tout au long de cette heure avec Étienne Klein et Elie Düring, qui est maître de conférence en philosophie à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Et donc, on a parlé du premier temps, de l'horloge, du temps calendaire et de sa mesure. Venons-en donc précisément au temps physique et au temps philosophique, à cette fameuse controverse Einstein-Bergson que vous évoquiez à l'instant, Étienne, avec pour commencer priorité à l'ancestralité, la conception du temps philosophique qui a opposé tout au long de l'histoire de la philosophie deux courants, hein, les philosophes du concept et ceux de la conscience. J'ai bien compris ce que vous me disiez tout à l'heure, Elie Düring, vous êtes plutôt du côté de ceux de la conscience. Pas vraiment, parce que sinon je fais pas de philosophie, il faut du concept, bien sûr. Non, disons que cette distinction qu'on retrouve hein, projetée aussi quand on parle du temps, sur la distinction un peu scolaire entre le temps des choses et le temps du sujet ou de la conscience, le temps des horloges et le temps vécu, bon, en réalité c'est pas une opposition qui partagerait comme ça deux camps, ou les partisans de la conscience et les partisans des choses, ça n'a pas tellement de sens. La question, c'est plutôt de savoir dans quelle mesure on va incorporer comme un paramètre pertinent pour la pensée, l'expérience du temps vécu, ou du temps de la conscience. C'est-à-dire dans quelle mesure il est encore important de penser le raccord entre les deux, autrement justement que sur le mode... disons, d'un alignement de l'expérience temporelle sur le temps des phénomènes. Il y aurait des phénomènes, disons, psychologiques qu'on pourrait en quelque sorte aligner sur une toile de fond où il y aurait le temps homogène, qui permettrait à la fois, disons, de mesurer des durées à l'échelle de 10^-13 en nanosecondes. Et des durées vécues par des sujets humains ou autres, d'ailleurs, ça peut être des animaux à des échelles bien différentes. Bon, comme si tout ça pouvait se résoudre, en effet, en calcul et en mesure. C'est ça l'enjeu réel. C'est la façon dont on va raccorder ces niveaux d'expérience l'un avec l'autre. Et puisqu'on essaye de penser le temps, cet objet étrange qui s'appelle le temps, qui nous pose de vraies difficultés, je dirais que la question décisive, ça va être dans quelle mesure on va ou non, tirer de l'expérience vécue du temps, de l'expérience temporelle, celle des sujets humains en l'occurrence, puisque c'est nous qui parlons ici, des conclusions ou disons quelque chose comme des indicateurs qui nous permettent de dire à un moment donné, n'allons pas trop vite, n'appelons pas n'importe quoi du temps, sous prétexte qu'on l'a mesuré, et essayons de voir comment les concepts se construisent. C'est-à-dire qu'au fond, les philosophes que vous associez, disons, à la conscience, souvent Bergson et donc... placé de ce côté-là, comme quelqu'un qui revendique une sorte de priorité, en quelque sorte, du temps phénoménologique du temps vécu, sont des gens qui, en réalité, sont dans l'ordre du concept. Simplement, ils disent, si vous voulez penser vraiment au temps, précisément le temps, et pas de l'espace, pas simplement des mesures d'intervalle, si c'est le temps qui est en jeu, Soyez certain que les deux aspects, les deux domaines d'expérience se recollent. Et montrez-nous exactement comment ça se recolle. Il faut qu'il y ait un rapport, il faut qu'il y ait quand même une relation entre ce qu'on appelle le temps depuis toujours et ce que la physique, notamment la physique contemporaine, fait du temps quand elle explique soit que le temps est beaucoup plus compliqué qu'on s'imaginait, soit que, comme certains n'hésitent pas à le dire, soit qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que la physique contemporaine n'en a pas besoin. On y viendra progressivement. Parlons d'abord un peu de la façon dont les physiciens se sont réappropriés ces conceptions philosophiques du temps, a priori, par une réfutation du temps phénoménologique, ou en tout cas, puisque ça, pour pas faire de contresens historique, en tout cas par opposition à la perception subjective de la temporalité. Tiens. Oui, enfin, il y a un philosophe que Eli Turing connaît bien qui s'appelle Quentin Meillassou, qui a écrit un livre qui s'intitule « Après la finitude », dans lequel il développe ce qu'il appelle le paradoxe de l'ancestralité, c'est-à-dire si on considère que le temps dépend du sujet, c'est-à-dire qu'en fait nous fabriquons la temporalité que nous observons, alors c'est très intéressant, il y a beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens, mais en même temps on bute sur un paradoxe, qui est que nous savons maintenant que le sujet, l'homme, disons, est apparu tardivement dans l'histoire de l'univers. L'univers a 13,7 milliards d'années, l'homme est apparu il y a 2 ou 3 millions d'années, ce qui veut dire que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Ce qui veut dire que si le temps a besoin de nous pour passer, comment a-t-il pu passer avant que nous advenions ? Et ce paradoxe a une certaine gravité quand même, et qui l'empêche de dire que le temps dépend de la conscience d'une façon trop naïve, il faut expliquer les choses. Maintenant, vous l'avez dit, c'est Newton qui a introduit le temps en physique, dans les équations de la mécanique. La variable T, et voilà, et donc la physique est devenue efficace à partir de ce moment-là, Einstein a remanié des choses, et on a l'impression que l'efficacité de la physique, en tout cas c'est ce que j'ai longtemps pensé, est tellement spectaculaire que ça lui donne autorité pour parler du temps. La vérité du temps viendrait des formalismes de la physique qui ont représenté le temps sous la forme d'une variable mathématique liée à l'espace ou à l'énergie ou à autre chose selon les théories, mais ça lui donne une efficacité opératoire qui fait qu'on a l'impression qu'elle a saisi quelque chose d'essentiel du temps. Mais avant de pouvoir dire cela, il faut prendre conscience du fait que Newton a appelé temps la variable T. Ça veut dire qu'il savait déjà ce qu'était le temps pour pouvoir le reconnaître sous la forme de cette variable. Or, cette variable T, quand on y réfléchit bien, n'a aucune des propriétés que nous attribuons au temps dans nos discours et dans l'expérience que nous en avons. Par exemple, nous avons un rapport au temps qui dépend de ce que nous faisons. Nous raccordons le temps au phénomène temporel. Quand les choses se passent vite, on a l'impression que le temps va vite, etc. On lui attribue une vitesse. On lui attribue des adjectifs. On dit qu'il y a un temps psychologique, un temps biologique, un temps historique, un temps cosmologique, etc. Autrement dit, on invente autant de sortes de temps qu'il y a de temporalité. Or, Newton lui dit non, il y a le paramètre T. Ce paramètre T est homogène, c'est-à-dire il ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Et d'autre part, il ne dépend pas des phénomènes. Quoi qu'il se passe dans le temps, ça n'affecte pas le temps. Et ce temps, il est complètement différent de notre façon de dire le temps. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que Newton a commis un abus de langage, c'est-à-dire il a appelé temps quelque chose qu'on aurait dû appeler autrement, truc ou je sais pas quoi, ou bien est-ce qu'il a bien nommé cette chose? Et à ce moment-là, il faut entendre la physique. Est-ce que, Eli Turing, vous pensez, comme Étienne Klein, que finalement on pourrait résumer ou résoudre ce problème par une bête question de polysémie ou de champ lexical? Si la variable T avait été la variable truc, les problèmes, nous ne serions pas ici autour de cette table pour en parler. Non, les vrais problèmes ne sont jamais que des problèmes de mots, des problèmes lexicaux. Pourquoi est-ce que Newton nous parle quand même du temps? Malgré la difficulté qui a été pointée là, c'est vrai que ce paramètre d'évolution, ce paramètre T, ne correspond pas à la donnée immédiate de l'expérience temporelle la plus ordinaire. C'est quand même un truc très bizarre que ce T, de cette dimension temporelle qui se donne d'abord comme un paramètre et qu'on peut mettre en correspondance avec l'ensemble des réels. C'est une construction, voilà. Et qui par ailleurs est absolu au sens où, en effet, il n'est pas indexé à des processus ou des devenirs locaux en particulier. Il vaut partout, toujours. Bon. Là où il est quand même bien question du temps, je dirais, là où la question du temps se pose pour Newton, alors même qu'il aurait pu appeler T Z et après appeler ça tout autrement que le temps. On vous laisse trouver le nom qu'on met derrière, voilà, Z. Voilà, on pourrait imaginer des choses, mais là où il s'agit bien quand même du temps, c'est à partir du moment, et ça c'est quand même crucial si on fait de la mécanique, notamment de la mécanique céleste, où il s'agit de coordonnées. coordonner des évolutions locales avec ce fameux paramètre T, avec le temps constitué comme dimension, et ça se concrétise avec toute la mécanique classique après Newton. On utilise T comme la quatrième dimension dans un espace-temps, avant même qu'on parle d'espace-temps, avant même Minkowski. C'est déjà ça qui se fait. C'est ce que fait Newton, hein. C'est ce que fait Lagrange, c'est ce que font, c'est ce que fait D'Alembert quand il dit que le temps peut être considéré comme une quatrième dimension d'un espace mécanique, en quelque sorte, l'espace-temps de la mécanique classique. C'est déjà un espace-temps. La dimension, elle permet de coordonner des durées locales ou des mesures locales qui manipulent chacune le paramètre. Et c'est dès lors qu'on essaie de coordonner, je dirais, des mouvements, en fait, pour le dire très simplement, qui se déroulent a priori à des vitesses très variables, que la question du temps émerge comme un problème qui n'est pas simplement la sériation des instants et la possibilité de suivre localement, c'est-à-dire de proche en proche, une évolution au cours du temps, mais c'est là que proprement le temps émerge, la possibilité de coordonner, c'est-à-dire de penser en simultanéité aussi, de penser la coexistence d'évolutions parallèles. Je dirais que le problème du temps, et c'est vrai aussi pour les philosophes, et tous les philosophes sont à certains égards des philosophes du concept, hein, c'est jamais des gens qui prennent le parti de l'expérience ou de la subjectivité contre autre chose. Tous les philosophes sont philosophes du concept et donc s'intéressent au concept du temps, pour autant que le temps, je dirais, incorpore essentiellement cette dimension de coexistence ou de simultanéité. Mmh. Le temps, ça n'est jamais simplement la durée, pour revenir à cette distinction terminologique. Exact. Cette variable T newtonienne, effectivement, elle pose un certain nombre de postulats qui sont la simultanéité, la chronologie, donc la causalité, qui vont être par ailleurs derrière réfutés par Einstein et Tinkin. Alors avant de parler d'Einstein, je pense qu'il faut quand même dire que ce paramètre T chez Newton, moi je ne sais pas si on peut l'appeler un paramètre d'évolution, parce que du coup, lui-même n'évolue pas, c'est-à-dire il ne change pas son statut à mesure qu'il passe. Il dit simplement que les lois physiques dans lesquelles il est inséré ne changent pas au cours du temps. Le fait que le temps soit homogène est simplement une façon de dire que les lois physiques sont tout le temps les mêmes. Si ce matin vous avez fait fonctionner votre appareil à micro-ondes et qu'il a fonctionné, et si demain vous appuyez sur le même bouton et qu'il ne fonctionne plus, vous direz que l'appareil est tombé en panne. Vous n'imaginerez pas que les lois physiques de demain matin seraient différentes de ce qu'elles étaient aujourd'hui. Et donc ce paramètre T, il est là pour dire les lois physiques ne changent pas. Et il reste une question ouverte, et ça nous ramène encore une fois à Bergson, c'est quel est le moteur du temps? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas rester présent au même instant présent? Quelle est cette dynamique cachée qui fait que dès qu'un instant apparaît, il est remplacé par un autre instant qui lui-même va disparaître au profit d'un autre, etc. Quel est le moteur de ce renouvellement de l'instant présent qui fait qu'il y a toujours du présent qui est présent, mais c'est jamais le même? Bon. Et ça, la physique ne le dit pas. D'ailleurs, que quand vous mettez l'axe des temps par une droite, vous mettez une flèche, cette flèche dit, voilà, il y a un moteur, il y a une dynamique là, dont on ne connaît pas le moteur, mais on prend acte du fait qu'elle existe. Et Einstein va évidemment changer beaucoup de choses, mais la question du moteur du temps va se poser chez lui comme chez Newton. Parce que Newton ne donne pas de réponse à la question du moteur du temps, en revanche, il la postule comme étant une constante qui va marquer ensuite l'histoire de la physique jusqu'à Einstein. Absolument, c'est-à-dire que je pense que Newton pense que le moteur du temps, il ne fait pas d'hypothèse, hein, mais je pense qu'il croit que le moteur du temps est quelque chose de physique. Et le fait que la physique, même la relativité, ne dise pas quel est le moteur du temps, pose la question de savoir si la physique est complète. Est-ce qu'elle a oublié quelque chose d'essentiel? Ou bien est-ce que le fait que le temps avance est une illusion qui vient de notre position d'observateur dans l'espace-temps? Qu'est-ce que les philosophes qui sont les contemporains de Newton disent sur cette question du moteur du temps, Eli Turing? Mais déjà, je ferai une remarque sur l'expression même de moteur du temps qui pose immédiatement un problème. Si vous voulez penser le concept de temps, cerner vraiment son statut et la nature des difficultés qu'il pose à la pensée. Il faut se rendre compte que le temps, c'est pas un gros machin, je veux dire, c'est pas un flux universel qui coulerait transparent, impalpable, qui coulerait éther, une sorte d'éther, un éther dynamique, dans voilà, qui emporterait les choses. Le temps. Chez Newton, c'est un peu ça quand même. Alors, il y a l'idée. Ça dépend de quelle théorie on parle, justement. Et il y a toute une théorie de l'espace comme sensorium divin, enfin une extension de quelque sorte de la manière dont Dieu se rend présent à l'univers comme tel, et le temps d'une autre manière, donc pourrait être pensé comme ça, comme une sorte d'enveloppe, d'une enveloppe du devenir, dont effectivement on pourrait se demander quel est le ressort dynamique, hein, comment se fait-il que cette enveloppe, en effet, accompagne le devenir et le déploie, au lieu de le donner en quelque sorte statiquement, d'un coup, tout déployé. Mais je dirais que ça, typiquement, c'est une certaine façon classique et avec des résonances théologiques de poser la question du temps. C'était peut-être celle de Newton. Mais il y a une autre manière d'envisager la chose, c'est de faire du temps justement un concept, non pas une sorte de super objet ou un concept empirique un petit peu étrange, mais au contraire un concept formel. J'entends par là simplement un concept qui aurait le même statut que peut-être il faudrait trouver l'équivalent dans d'autres registres, peut-être qu'un concept comme celui de la vie, par exemple. Je veux dire, la vie, elle est nulle part logée, elle n'est pas dans tel organisme en particulier, elle n'est pas non plus une sorte de force ou une sorte de plasma qui se déplacerait d'individu à individu. La vie, c'est un concept qui organise un certain nombre d'opérations de pensée, qui nourrit les principes de certaines sciences, de certaines démarches scientifiques. Ben, le temps, c'est un peu pareil. Je veux dire que c'est, alors je dirais en première instance, on pourrait dire le temps, c'est une forme d'organisation, une forme de coordination de l'expérience, et en particulier de l'expérience des mouvements simultanés ou des changements simultanés. Je dirais que le temps, c'est cette forme de pensée, cette structure, ce schème qui nous permet de penser ensemble des choses qui changent et qui dure, donc qui d'une certaine façon persiste, donc ne change pas au point de s'altérer d'instant en instant. Il y a des choses qui persistent, qui sont à la fois changeantes et identiques à elles-mêmes, et qui les pensent en même temps, c'est-à-dire dans leur communauté de changement, dans leur coexistence. Le temps, c'est cette forme-là, et donc se demander d'abord s'il existe ou non, à quelle vitesse il flue, ce temps dont on dit qu'il s'écoule, s'il y a un moteur dynamique qui rendrait compte de l'évolution du temps lui-même, je dirais, c'est des questions un peu étranges. C'est des questions qui sont du même ordre que celles qui consisteraient à se demander si la vie a des pattes ou si elle aboie. Voilà. Je caricature un peu, mais il y a une difficulté de ce type. Moi, je dirais que ce sont des questions étranges, en effet. Quand on les pose, on est un peu déplacé ou bouleversé, mais ce sont quand même des questions obligatoires. C'est-à-dire que cette analogie que vous faites entre le temps et la vie en tant que concept, elle est évidemment pertinente, mais il y a quand même plus de contraintes sur le concept de temps que sur le concept de vie. C'est-à-dire que je pense que le temps se donne à nous, non pas par sa nature qui serait dévoilée par la physique ou par la philosophie, mais par une impossibilité. C'est-à-dire le temps se donne à nous par le fait que l'expérience nous montre que nous ne pouvons pas voyager à l'intérieur du temps. Et donc, il se donne à nous négativement. Et c'est ça qui le distingue de l'espace, puisque dans l'espace, on peut aller et venir à sa guise. On pourrait dire que l'espace, je ne sais plus qui disait ça, c'est le territoire de notre liberté, alors que le temps, non. Et le territoire de notre contrainte. Voilà, et on est contraint, on est emprisonné dans l'instant présent, on peut réfléchir au futur, on peut se souvenir du passé, mais on le fait toujours dans le présent, qui est une sorte de prison dont on ne peut pas sortir. Et ce statut-là, cette impossibilité-là, fait qu'il y a des contraintes qui s'appliquent à toute représentation qu'on voudrait en faire. Et vous allez voir qu'au cours du XXe siècle, cette notion de la simultanéité va se faire tordre le cou violemment. Mais avant d'examiner ce qui va remettre en cause justement cette notion de temps absolu, une autre personne dans la toute dernière moitié du XXe siècle, en 1964 précisément, avait quelque chose d'important à dire à propos du temps, c'était Mick Jagger. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Time is on my side. Just wait and see. You temps est de notre côté, comme du côté de Mick Jagger pour séduire les filles. Il est 16h35 sur France Culture. Nous évoquons la question du temps et nous avons déjà épuisé la moitié de la durée qu'il nous reste, comme me repreniez à l'instant Étienne Klein, le producteur de la conversation scientifique, physicien, docteur philosophie des sciences, président de l'IHEST et avec Élie During, maître de conférence en philosophie à l'université Paris-Ouest Nanterre. Nous essayons donc de constituer au cours de cette heure une brève histoire du temps, fort brève, et nous allons continuer à remonter le fil chronologique pour arriver donc à la révolution relativiste que nous avons commencé à aborder dans la première partie de cette émission. Qu'est-ce qui vient bouleverser la perception newtonienne du temps chez Einstein ? Est-ce qu'on peut dire que Einstein choisit la lumière contre Newton ? Oui, Einstein, il fait le postulat en 1905 que la vitesse de la lumière est un absolu, c'est-à-dire que la lumière, quand on la mesure, enfin, quand on mesure sa vitesse, ça donne un résultat qui est complètement indépendant de la vitesse de la source. Et donc, la vitesse de la lumière est quelque chose d'assez spécial, qui n'obéit pas aux règles de la relativité habituelle. On n'ajoute pas les vitesses comme on le faisait avant. Il y a la vitesse de la lumière qui est toujours la même. Et quand on prend acte de ce principe et qu'on lui ajoute le principe de relativité énoncé par Galilée, à savoir que le mouvement est comme rien. Quand je suis en mouvement, si c'est en ligne droite à vitesse constante, tout se passe comme si je n'étais pas en mouvement. Eh bien, on débouche sur la théorie de la relativité restreinte, parce qu'il y en a deux. Il y en a une qui s'appelle la générale. Qui viendra quelques années plus tard. Qui viendra 10 ans plus tard. Mais l'idée d'Einstein, c'est non pas que il y aurait un temps dont la vitesse d'écoulement serait relative et dépendrait de l'observateur. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. Alors quand je dis observateurs différents, je ne veux pas dire Pierre et Paul auraient des temps propres différents s'ils sont dans le même référentiel. Il y a un observateur par référentiel, et pour chaque référentiel, il y a un temps propre, qui lui est donc propre. Et si deux référentiels sont en déplacement l'un par rapport à l'autre, le temps propre du premier se désynchronise par rapport au temps propre du second. Et c'est ce qui va nous amener d'ailleurs au paradoxe des jumeaux de Paul Langevin sur lequel vous avez écrit, Élie During. Mais avant ça, ce qui est aussi important dans la théorie de la relativité einsteinienne, c'est que la gravité peut déformer l'espace-temps, peut donc déformer le temps. C'est donc que le temps est souple, ce n'est plus un absolu. Oh, vous allez vite là. Vous allez vite parce que le paradoxe des jumeaux de Langevin, Élie During... Commençons par le paradoxe des jumeaux, Élie During. Non, mais on peut l'interpréter dans le contexte de la relativité générale, en introduisant des champs gravitationnels. On peut rendre, disons, le scénario plus réaliste. Mais le scénario de base a été formulé avant la générale, d'abord par Einstein dans une forme épurée, ensuite dans une forme plus imagée par Langevin, qui imaginait un voyageur en boulet à la Jules Verne, qui éloignerait à très grande vitesse un observateur de la Terre, qui le ferait revenir. Et donc voilà, ce que dit en substance le paradoxe, c'est quand il arrive, quand il retourne chez lui, alors même que pour lui 2 ans se sont écoulés, 20 ans, ou dans un scénario plus accéléré, 200 ans seraient écoulés sur Terre, de sorte qu'il ne retrouve plus ses contemporains. Et donc, ensuite, dans les variations qui ont été données, si on introduit des jumeaux, un jumeau sédentaire sur Terre et un autre qui voyage, les jumeaux se retrouvent, je reprends l'expression, désynchronisés ou déphasés, c'est-à-dire que le temps propre du jumeau voyageur, qui aurait été de 2 ans, ne correspond plus au temps propre vécu en même temps, parallèlement, c'est ça la bizarrerie. D'où la fin de la simultanéité. Voilà, donc, par son jumeau sédentaire, pour lequel le temps propre écoulé pourrait s'élever à 2, 20, 200 ans. Et là, il serait mort. Et oui, en effet, c'est un problème de simultanéité, c'est-à-dire de coordination. La difficulté pour aller au cœur de l'enjeu philosophique qui m'a intéressé dans le texte que j'ai donné pour le hors-série de la recherche sur le temps de décembre-janvier. Ce qui m'a intéressé dans le paradoxe de Langevin d'un point de vue philosophique, c'est qu'on peut dire les deux choses, à la fois que chacun a son temps propre, qu'on n'y a en effet plus d'horloge absolue, il n'y a pas de temps universel qui permettrait de les réunir dans une enveloppe temporelle qui serait en quelque sorte la marque de leur appartenance commune à un univers en devenir. Il n'y a plus de front universel du devenir. J'ai l'impression que le concept unifiant de temps se volatilise, se vaporise. Il ne reste plus que des lignes de temps propres. On peut suivre de proche en proche des écoulements de durée, mais bon, pour les recoller, c'est compliqué. Et néanmoins, c'est ça la bizarrerie. On peut dire, et de façon parfaitement sensée, et même on peut l'interpréter précisément dans le cadre de l'espace-temps relativiste, on peut dire qu'à certains égards, ça a un sens de dire qu'ils sont contemporains. C'est-à-dire tout en vieillissant, en quelque sorte, à des vitesses, je mets beaucoup de guillemets, différentes, parce que, à nouveau, moi je ne pense pas que le temps soit quelque chose qui s'écoule en réalité. Il y a de l'écoulement, et le temps est la forme qui permet de penser cet écoulement. Mais le temps lui-même, comme disait Kant, ne passe pas. Il y a une chose qui ne change pas dans l'univers, c'est le temps. Donc, je dirais jamais que les temps s'écoulent à des vitesses différentes. Mais bon, il y a du temps propre qui est mesuré différemment pour chacun. Mais néanmoins, on peut dire que d'un bout à l'autre, pendant le temps de leur séparation, ils auront été contemporains, c'est-à-dire qu'ils coexistent et que même si la simultanéité perd son sens strict, elle devient indéterminée, c'est ça que montre la relativité, il y a une enveloppe de simultanéité en quelque sorte régionale qui permet de dire de façon très simple que précisément parce qu'il y a un événement source, un événement de départ qui est leur séparation et un autre qui est leur réunion, eh bien ils auront été, on peut le dire rétrospectivement, contemporains tout du long. C'est-à-dire qu'il y a une simultanéité, mais épaissie, diffusée, j'appelle ça simultanéité régionale, qui nous arrache à la conception, peut-être un peu trop newtonienne, un peu trop mathématique, de la simultanéité comme instantanéité absolue entre des événements distants. Qui n'existe plus donc selon Einstein. Non, la simultanéité n'est plus absolue. Si vous pouvez, en tant qu'observateur dans un certain référentiel, voir deux événements simultanés, mais ne le seront plus s'ils sont à des positions différentes pour un observateur en déplacement par rapport à vous. Alors, il faut dire, pour comprendre, qu'on parle, dans la plupart des cas, et dans la théorie einsteinienne, d'éléments qui vont à des vitesses très proches de celles de la vitesse de la lumière. C'est là qu'on voit les phénomènes, mais la théorie de la relativité, elle vaut en fait pour toutes les vitesses. Simplement, les effets relativistes ne se voient que quand les vitesses deviennent l'exemple non négligeable devant la vitesse de la lumière. L'exemple du muon qui rentre dans l'atmosphère terrestre. Voilà, il a une durée de vie apparente pour nous qui est bien plus grande que sa durée de vie propre. Voilà. Ce qui nous amène à la fameuse controverse de 1922, hein, que je vous survends depuis le début de cette émission, comme une sorte de revanche de Joe Frazier contre Mohamed Ali, Bergson contre Einstein, le temps des philosophes contre le temps des physiciens. Est-ce que cette controverse a été tranchée? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un accord sur une forme de conception du temps entre les physiciens relativistes et les philosophes bergsoniens? Je pense qu'elle a été tranchée par défaut et au sens où il y a victoire par abandon d'une certaine façon. Et, d'abord par abandon qui? Bah, d'Einstein pour commencer, parce qu'Einstein n'a pas voulu réellement entrer dans le jeu que proposait Bergson, jeu un peu confus, il est vrai. Oui, je suis pas sûr qu'il ait compris. Voilà, en fait, c'était compliqué pour des raisons de langue, mais aussi la spécificité du langage philosophique de Bergson. Ils se sont pas compris, pour le dire très très rapidement. C'est même pas de l'ordre du malentendu. Je crois qu'il y a eu une sorte de dialogue de sourds, mais qui s'est ensuite perpétué parce que des physiciens ont pris le relais et donc ont pris la parole pour Einstein, en le représentant en quelque sorte, et ont forcé un peu la discussion dans un sens qui n'avait plus grand intérêt philosophique, à vrai dire, qui était de l'ordre de la correction de copie, c'est-à-dire qu'on a pointé à juste titre des maladresses, des incompréhensions de Bergson. C'était pas le seul à sa décharge à l'époque sur la relativité, et on n'a pas vraiment essayé de répondre au problème qu'il formulait, qui était un problème lié justement à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on articule la notion de durée qui n'est pas annulée, hein, chez Einstein. Le temps propre, c'est une durée, elle est mesurée localement, il n'y a aucun problème. Et la notion de simultanéité, c'est cette articulation qui est problématique, et Bergson essayait, par exemple, d'introduire l'idée selon laquelle la simultanéité serait mieux pensée en termes de simultanéité de flux, plutôt qu'en termes de simultanéité d'instants ou d'événements instantanés ayant lieu à distance. Il disait peut-être que la notion de base dont il faut toujours repartir, c'est l'idée d'un déploiement parallèle de flux, c'est-à-dire de lignes de devenir. Et bon, ce type de proposition qu'un physicien aurait pu entendre, on ne les a pas beaucoup discutées, je crois. Étienne Klein. Je pense que le concept qui permet de bien parler de la relativité, d'ailleurs vous l'avez sous-entendu, c'est le concept d'espace-temps. Mm-hmm. Et l'espace-temps, c'est un concept que Einstein n'a pas produit lui-même, c'est son professeur, enfin celui dont il était l'élève, Minkowski, qui d'ailleurs pensait qu'Einstein était un bon à rien, qui en 1905 voit le travail produit par son étudiant, enfin ex-étudiant, trouve ça magnifique et va élaborer dans les mois, enfin les années qui viennent, le concept d'espace-temps qui permet justement de faire coexister dans une même entité des lignes d'univers complètement séparées. Donc la notion de flux parallèle qui emporterait toutes ces lignes d'univers me paraît difficile à incarner dans cette représentation. Mais je trouve que Bergson, il pose les bonnes questions, c'est-à-dire que je suis pas sûr d'avoir bien suivi son raisonnement selon lequel c'est parce que j'ai l'expérience moi de la durée, c'est parce que je dure que l'univers dure. Ça c'est une phrase que j'ai un peu de mal à comprendre. Mais lorsqu'il pose la question de la motricité du temps, comment est-ce que sur une ligne du temps peuvent s'enchaîner des instants que je représente comme juxtaposé. C'est-à-dire comment est-ce qu'il peut y avoir de la dynamique dans une juxtaposition d'instants qui se succèdent sans que je dise comment ils se succèdent. Pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, vous me disiez que j'allais un peu vite en besogne, mais parlons-en brièvement. Ce qui est intéressant aussi dans cette conception einsteinienne et relativiste de l'espace-temps, c'est que puisque la gravité peut déformer, peut avoir sur des points de singularité où les effondrements gravitationnels sont tellement forts qu'ils déforment l'espace-temps, c'est donc que le temps est une dimension souple, entre guillemets. Oui, alors ça change quand même beaucoup de choses. La relativité, c'est une vraie révolution, c'est-à-dire que l'espace-temps... Et Turing n'est pas tout à fait d'accord. C'est factuellement vrai, mais c'est l'expression « le temps est une dimension souple » qui est problématique. Non, mais l'espace-temps de la relativité restreinte, il est donné a priori. On le pose là, on dit voilà, il y a un espace-temps au sein duquel se déroulent des phénomènes qui se déploient selon des lignes d'univers qui leur sont propres. Très bien. Et donc, il est posé a priori, alors qu'en relativité générale, l'espace-temps est la solution d'une équation. Ça devient un objet physique dont la métrique, dont la géométrie, si vous préférez, dépend de ce qu'on met dedans. Et ça change complètement le statut de la gravitation, puisque chez Newton, la gravitation, c'est une force qui s'exerce dans l'espace. Deux objets distants d'une certaine distance d, par exemple, vont s'attirer selon une loi que tout le monde a apprise à l'école. Donc, c'est une force qui se transmet instantanément dans l'espace, alors que dans la théorie d'Einstein, la gravitation n'est plus une force. Les objets qui sont soumis à la gravitation ont un mouvement inertiel, donc sans force, et c'est simplement la déformation de l'espace-temps qui traduit le fait que les lignes droites ne sont plus droites, elles vont être courbées, et donc la courbure que nous voyons, par exemple, de la Terre autour du Soleil n'est pas due au fait qu'une force s'exerce sur la Terre, mais au fait que l'espace-temps lui-même est courbé. Et donc, on va en ligne droite, mais les lignes droites tournent, donc ça donne des trajectoires curvilignes. Et Turing, qu'est-ce qui vous chiffonne dans cette expression? J'ai dit une bêtise. Vous ne dites que les choses intelligentes, c'est moi qui dis des bêtises. C'était même pas de l'ordre de la bêtise ou de l'erreur. Je réagissais à la difficulté immédiate que pose l'expression de que l'espace-temps soit déformé, c'est l'évidence. Bon, il est variablement courbé, donc la déformation me va très bien. Ce qui me gêne, c'est quand on isole, qu'on continue dans le langage, dans la conversation qu'on a ici, à isoler la dimension temps et à dire que le temps se courbe ou se plie ou se déforme. C'est pareil de la géométrie. Voilà. Alors, il faut préciser, la géométrie de l'espace-temps, donc la métrique de l'espace-temps, est conditionnée à certains égards par la distribution de la masse-énergie dans l'univers. Très bien. Mais de là à dire, ensuite, en inférer que le temps, et en continuant à isoler le temps comme si c'était encore le temps de Newton, pour dire que, en gros, le temps de Newton, on lui a non pas tordu le cou, mais qu'on l'a plié aux déformations de l'espace-temps, bon, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le concept de dimension temporelle dans l'espace-temps devient quelque chose d'extrêmement abstrait. C'est même pas la quatrième dimension que la mécanique classique d'Alembert Lagrange pouvait envisager comme étant simplement, bon, un procédé géométrique de représentation des évolutions. C'est quelque chose qui devient extrêmement abstrait, aussi abstrait que la notion de gravitation qui vient d'être décrite ici. On devrait préciser le référentiel, parler de temps propre à ce référentiel. Avançons un peu dans le temps, la durée, pardon, Étienne Klein, qu'il nous reste. Et si le temps n'existait pas, tout ça pour ça, vous allez me dire. Mais néanmoins, c'est tout à fait sérieux. Hein, plusieurs physiciens, au premier rang desquels Carlo Rovelli, que nous avons reçu ici même pour parler de la gravitation quantique à boucle, qui est sa spécialité, propose aujourd'hui de se passer du temps. Étienne Klein, on peut se passer du temps en physique? À condition de savoir ce que c'est. C'est-à-dire que pour dire que le temps n'existe pas, il faut exactement savoir ce qu'il est pour pouvoir démontrer qu'il n'existe pas. Et donc, ça rejoint la question un peu de tout à l'heure à propos de Newton. Newton appelle temps quelque chose qu'il reconnaît dans ses équations. Ce qui veut dire que pour dire que le temps n'existe pas, il faut qu'il y ait dans ses équations aucune variable, par exemple, qui corresponde à l'idée qu'on s'en fait. Mais peut-être que l'idée qu'on s'en fait est fausse. Peut-être que le vrai temps est autre chose que ce qu'on imagine. De sorte qu'il peut être dans la théorie sous une forme cachée, par exemple sous la forme de la causalité. Et donc il y a pas mal de gens qui essaient d'unifier la physique quantique et la théorie d'Einstein pour faire une gravité quantique, par exemple, et qui sont prêts à admettre que l'espace-temps... est une variable. Que le temps est une variable. Il y a plusieurs pistes. Ça peut être, par exemple, une propriété émergente. C'est-à-dire que l'espace-temps se construit à partir d'un inframonde dans lequel l'espace et le temps n'existent pas. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait, dans cet inframonde, des relations d'ordre entre événements qui peuvent laisser penser qu'il s'agit d'un temps particulier qui ressemble pas au temps habituel, mais qui est quand même la source du temps. Ouais, j'ai rien à dire de plus sur l'aspect physique, mais toujours la mouche du coche philosophique. Si on dit le temps n'existe pas, ce que je peux entendre, je comprends à quel enjeu ça correspond, ne l'entendons surtout pas au sens où on pourrait dire, par exemple, les extraterrestres n'existent pas, ou la mémoire de l'eau n'existe pas. Si le temps n'existe pas, ça doit être un énoncé. Voilà, ça veut dire que la forme d'organisation d'unification de l'expérience qu'on imaginait fonctionner fonctionne en fait autrement. Ça ne veut pas dire que le temps n'existe pas, au sens où un objet physique aurait disparu de notre conception du monde. Alors, puisque nous arrivons au bout de notre temps qui est imparti, je vais vous poser une question à l'autre bout. Qu'est-ce qui se passe à l'autre origine, aux 13,7 milliards d'années? Est-ce qu'il y a un avant le temps, Étienne Klein? Alors, c'est vraiment... combien de durée me laissez-vous pour... Non, mais disons... Le Big Bang tel qu'on le présente habituel, c'est on remonte le temps, l'univers se contracte, la température augmente, la densité de matière augmente aussi, et on tombe sur un univers observable de taille nulle. On appelle ça une singularité, à laquelle on associe une température infinie, un instant zéro, on dit c'est le Big Bang, c'est l'explosion qui a engendré tout ce qui existe, etc. Ça, c'est le discours des années 50, qui ressemble au discours d'aujourd'hui d'ailleurs. Mmh. Or, depuis les années 50, il s'est passé beaucoup de choses, et quand on essaie de décrire l'univers primordial, ben, il n'y a pas que la gravité qui agit sur les particules, il y a d'autres forces, les forces nucléaires, électromagnétiques, et quand on essaie de décrire l'effet de ces interactions dans l'univers primordial, la singularité, l'instant zéro, disparaît ou se déplace. De sorte qu'on ne peut plus dire que le Big Bang tel qu'on le dit d'habitude, c'est l'origine de l'univers, c'est plutôt... une transition de phase entre un univers d'avant et l'univers d'après. Mais ça, c'est le, et donc c'est la question, le ça c'est là, c'est, on revient à la gravitation quantique à boucle, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un rebond, c'est l'une. En fait, on n'en sait rien. Mais à chaque fois qu'on fait ce travail, on fait disparaître la singularité, de sorte que la question de savoir si l'univers a une origine ou non est une question ouverte. Et non pas une question fermée, au sens où on dit toujours il y a une origine, il faut trouver laquelle. En fait, il faut déjà démontrer qu'il y a une origine. Et alors, allons donc à l'autre extrémité, dans cet univers lointain, mort, qui n'existe plus, inerte, qui cesse d'évoluer. Est-ce que à l'autre bout de l'échelle, le temps a encore un sens, Eddie Turing? À la fin des temps, vous voulez dire? À la fin des temps. Alors, ça pose la question qu'on n'a pas évoquée ici, mais peut-être en filigrane dans la notion même d'espace-temps, c'est une des interprétations possibles, de l'éternité. C'est-à-dire que le temps et l'éternité, ou le devenir et l'intemporel, c'est un couple philosophique qui a fonctionné aussi. Et bon, une des formes de l'éternité, ben, c'est l'idéalisation mathématique, l'espace-temps comme forme absolue. Puis la fin des temps, bon, je sais pas très bien comment ça va se passer, mais une analogie sauvage, si vous me laissez une picoseconde, allez-y. Une nanoseconde. Alors vous avez encore plus que ça. C'est vraiment sauvage, mais quand j'entends des choses sur les, voilà, sur le temps en deçà de l'échelle de Planck ou dans les premières picosecondes. L'échelle de Planck, c'est l'endroit où, jusqu'où on peut remonter pour. Voilà. Pour quand on regarde le fond diffus cosmologique, très, l'endroit très tôt, le plus loin. Très tôt dans l'histoire de l'univers. Bon, par analogie totalement débridée, sauvage, non contrôlée, je reviens à mon temps, mon palier zéro du temps phénoménologique, du temps de l'expérience temporelle. Ce temps de la microseconde, soyons modestes, microseconde, où on isole très bien maintenant en laboratoire, avec des expériences de psychologie très, très sophistiquées, des seuils de discrimination entre ce qui est simultané et ce qui est déjà successif. On vous envoie des signaux sonores, parce que l'oreille est beaucoup plus fine en discrimination temporelle que l'œil, ça faut le savoir, dans l'oreille gauche et l'oreille droite, et puis à un moment vous dites là c'est simultané, ces deux signaux sont envoyés en même temps, et puis là ils sont légèrement décalés. Bon, vous pouvez discriminer, mais ce qu'on met en évidence, et qui est absolument fascinant je dirais d'un point de vue conceptuel, c'est qu'il y a un seuil, il y a une frange d'expérience où on est tout à fait capable de discriminer, de dire successif ou simultané, mais tout à fait incapable d'ordonner séquentiellement les deux signaux. De sorte qu'on a une expérience pure de la succession, ce que Bergson appelait la durée, la succession pure, sans notion d'ordre temporel, sans notion de sérialité ou de séquentialité. C'est fascinant parce que je dirais, à l'échelle de Planck, il se passe quelque chose du même ordre, une sorte de variation pure qui ne peut pas être constituée comme dimension. Ce sera le mot de la fin puisqu'il est 16h53 déjà. Et pour conclure cette émission, comme chaque jeudi, nous faisons un détour par la Bibliothèque des sciences à laquelle vous avez apporté votre volume, Étienne Klein, récemment. Aujourd'hui, c'est le neurobiologiste Marc Péchanski qui nous fait partager le livre qui a le plus marqué sa carrière scientifique. La Bibliothèque des sciences. Alors, il s'agit d'un livre qui s'appelle « Comment le cerveau crée notre univers mental », écrit par Chris Fritt. Chris Fritt, c'est un Anglais qui est un grand spécialiste de neurosciences, de neuropsychologie, qui travaille à Londres, et qui a rédigé un ouvrage qui, à mon avis, est un élément vraiment déterminant dans l'évolution de notre pensée sur la façon dont fonctionne le cerveau. Je vais commencer par vous lire donc ce petit extrême qui est, je crois, assez parlant. La distinction entre monde mental et monde physique est artificielle. C'est une illusion créée par notre cerveau. Tout ce que nous savons, que ce soit à propos du monde physique ou du monde mental, nous vient de notre cerveau. Mais notre cerveau n'est pas plus directement connecté avec le monde physique des objets qu'avec le monde mental des idées. En nous dissimulant certaines des inférences inconscientes qu'il effectue, notre cerveau crée l'illusion que nous avons un contact plus direct avec les objets du monde physique. Et simultanément, notre cerveau crée l'illusion que notre propre monde mental est isolé et privé. À travers ces deux illusions, nous nous percevons comme des agents agissant indépendamment sur le monde. Mais en même temps, nous pouvons partager notre expérience du monde. Au fil des millénaires, cette capacité à partager les expériences a créé la culture humaine qui, en retour, a modifié le fonctionnement du cerveau humain. En dissipant ces illusions créées par notre cerveau, nous pouvons commencer à développer une science visant à expliquer comment le cerveau fabrique l'esprit. Alors, c'est un texte important parce que j'ai commencé ma carrière de chercheur, non pas sur les cellules souches, mais sur le cerveau. J'étais un spécialiste des neurosciences à une époque où prévalait un dogme qui était que le cerveau était un réseau rigide d'éléments irremplaçables. On avait des neurones qui apparaissaient au cours du développement, qui formaient des connexions, et puis ça se stabilisait, et ensuite, il n'y en avait pas qui réapparaissaient, c'était assez clair, il n'y avait pas de prolifération, sauf vraiment très très faible population neuronale, et il n'y avait pas de changement. Sauf que ce schéma, ce dogme, c'était vraiment un dogme, ne correspondait absolument pas à la réalité psychologique ni pédagogique. On apprend, on a une mémoire, il y a certainement des choses qui devaient se faire dans notre cerveau. Et tout cela a explosé au milieu des années 80. Il y a eu une véritable révolution, c'est-à-dire ça a été jusqu'à 85, tout le monde croyait au dogme, et à partir de 87, si on ne parlait pas de plasticité du cerveau, on était un ringard. Et cette révolution, je l'ai vécue moi-même, dans mon laboratoire, et c'est vrai que j'y ai modestement participé en découvrant certains des mécanismes de cette plasticité. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que les cellules nerveuses entretenaient les unes avec les autres des relations physiques qui étaient mouvantes. Et à partir de là, c'est construite la neuroscience moderne. Et ce que dit Chris Fried, et il dit, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de l'activité de notre cerveau n'est pas simplement de relation avec l'extérieur, mais de relation avec notre propre pensée. Nous créons en permanence un imaginaire, et cet imaginaire s'imprime lui aussi profondément dans la physique de notre cerveau et modifie toutes ses connexions et nous donne notre individualité. – 16h58, c'est la fin de la méthode scientifique consacrée au temps que vous pouvez télécharger, podcaster, réécouter sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc et Vétienne, Céline Lozen, Elisabeth Miro à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique et Julie Guéroux au droit d'auteur. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.